de belle azalite. Aucune personne n'est belle, rien que la vérité. Belle de belle azalite. Aucune personne n'est belle, rien que la vérité. Aucun homme n'est beau. On a la parole ni un talo, sous casse ma belle. Aucun homme n'est beau. On a la parole ni un talo, sous casse ma belle. Lolendo pelo fundu, bien que vanite o. Eko suka mabele oho, mabele mokonziye. Dile mpe na miso, ouje mpe na lefre o. Eko suka mabele oho, mabele mokonziye. Liwali koka bola kabato na mokili anzambe. Likumbe la biso, ba ero pe ba martire. Obango la mitema, okolo Yesu akoya. Topi preseko, sokite oye. Toko zonga putulu, pape pembe kaina. Témoigner, au César Gadi, témoigner, Lela ti témoigné. Dieu Dokumbi témoigné. Roy Mayabu témoigné. Zeleye Kwempao témoigné. Silva Gwema témoigné. Break it.